could do anything for us, how much more is like. Wenn sein Tod so viel für uns tun könnte, wie viel mehr sein Leben? Si sa mort pouvait faire une chose puissante comme ça, donc pour sauver notre vie, combien de plus sa vie? It's like the Old Testament and the New Testament. Das Alte und das Neue Testament. Tout comme le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Your sacrifice and the New Sacrifice. Die alte Opfergabe und die neue Opfergabe. C'est comme l'Ancien Sacrifice et le Nouveau Sacrifice. Amen. Amen. You know, the Old Sacrifice was about killing of animals. In der alten Opfergabe ging es darum, ein Tier zu animals schlachten. Das Tier von das Blut von Tieren war wichtig für die Opfergabe. Dans l'ancien sacrifice, il s'agissait du sang de d'un animal. Amen. Amen. And it was doing something for them. Und es hat ihnen etwas gebracht. Et ça les a aidés. Remember the blood that was shed, that was, you know, that Moses put on that pole when they were in Egypt. Mm-hmm. Amen. The Passover, that Passover night, there was a blood. They put blood on the titer, yeah, the front of the door. You can see it was just an animal's blood. Mm. But you know, the blood we have today is God's blood. If that animal blood could even prevent death from going inside there, how much more the blood of Christ Amen. In our life? Amen. You know, in our life today. Na, wenn wir das alte und das neue Bündnis vergleichen, zum Beispiel wie Mose im alten Bündnis, als dieser Tod an den Häusern der Israeliten vorbeigezogen ist, hat Gott ihm befohlen, dass er ein Lamm schlachtet und das Blut von diesem Lamm an seinen Türpfosten schmiert. Und das hat dafür gesorgt, dass dieser Tod eben nicht in sein Haus eingedrungen ist und eben bei ihm nicht zerstört hat. Wie viel kraftvoller ist das Blut von Jesus Christus, mit dem wir jetzt umhüllt sind, was in uns ist und auch um uns herum ist. Donc en fait, si on se met à comparer l'ancien et le nouveau, la nouvelle alliance qu'on a maintenant. Si on compare, par exemple, on met l'exemple de Moïse, par exemple, où il avait utilisé seulement, les enfants d'Israël avaient utilisé le sang de l'animal qu'ils ont mis devant leur porte. Et quand l'esprit de mort venait pour tuer les fils aînés dans cette place, ça avait le sang de cet animal qui avait prévenu l'esprit de mort de tuer le peuple de Dieu. Et maintenant que nous, on a maintenant le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous, c'est encore plus puissant. Donc c'est vraiment vrai et c'est vraiment très puissant de voir, de considérer le sang de Jésus. Si le sang de l'animal pouvait déjà être puissant à provenir l'esprit de mort de nous tuer. Et maintenant on a l'esprit de Dieu. Praise le sang de Dieu. Amen. What we just said is in Hebrew 9. Put it down in Hebrew 9. Ce que je viens de dire, c'est écrit dans Hébreux 9. Amen. Amen. From verse 11, please. Hebrews 9, verse 11. Hebrews 9, verse 11. Praise the Lord. It's about Christ being come and high priest of good things to come. Amen. You know, the old high priest was the natural people. Or just people. Das waren Menschen. Full of sin. Die selber sind Are you getting it? Don't come. Because they have to, the blood they have to share, that animal's blood have to also clean their sin. Denn dieses Opfer, was sie geben, musste so ihre eigenen Sünden bereinigen. Donc on dit que Christ était venu comme un grand prêtre, parce que avant, dans l'ancien, il y avait des grands prêtres qui étaient en train d'utiliser aussi le sang de l'animal pour aussi purifier leur propre péché. Please, you just read here the whole of this month, Hebrew 9. Amen. This is Hebrew 9, that's how it's covered. Amen. We enjoy it. I'll see the difference. Mm-hmm. Amen. You will just be satisfied with Christ. Weil hier seht ihr wirklich einen Unterschied und das wird euch wirklich helfen und euch zufriedenstellen mit der Wahrheit und mutig sein, furchtlos. Lisez ça, ça va vous aider à être vraiment satisfait aussi, de ne pas avoir peur. It says, by Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this beauty, amen, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through eternal spirit, the eternal spirit, offer himself without a spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see what we have is greater than what they have ever had. Das, was wir haben, ist größer als das, was sie jemals hatten. On peut voir que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est plus grand que tout ce qu'eux, ils ont eu. Praise the Lord. Hallelujah. And then please stop listening to other messages. Hört bitte auf, euch andere Botschaften anzuhören. Donc arrêtez, je vous en prie d'arrêter d'écouter, d'entendre. I know what I'm saying. Ich weiß, wovon ich rede. Et je sais de quoi je parle. Satan is a trickster. Que Satan ist ein ist sehr trügerisch. Parce que le diable il est vraiment rusé. He will not poison shit to kill. Er wird nicht Mist vergiften, um es dann Leuten anzubieten, damit viele Leute sterben. Il va pas empoisonner de la merde pour mettre de piège aux enfants de Dieu. Amen. Mm. He will poison biscuits. Er wird Kekse vergiften. Il va empoisonner un bon gâteau là. Amen. And those biscuits, they are different messages. Und diese Kekse sind alle unterschiedliche Botschaften. Ces gâteaux, ce sont des messages différents. He knows people don't eat shit. Er weiß, dass Leute kein Mist essen, aber Kekse isst jeder irgendwie gerne. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu n'aiment pas manger de la merde, mais il sait que les enfants de Dieu, par exemple, ils aiment des gâteaux. Amen. Religion is a poison biscuit. Religion ist ein vergifteter Keks. La religion, par exemple, elle est un gâteau empoisonné. Amen. Christianity is a poison biscuit. Das Christentum ist ein vergifteter Keks. Le christianisme est un gâteau vraiment empoisonné. Amen. Amen. Their messages are poison biscuits. Ihre Botschaften sind vergiftete Kekse. Leurs messages sont des gâteaux empoisonnés. Praise the Lord. Hallelujah. And Satan loves their messages so much. Mais Satan liebt diese Botschaft so sehr. Et le diable aime leur message des religieux. I'll quickly talk about unbelief, doubt and fear. Ich spreche auch noch kurz über Unglauben und Zweifel, ganz kurz. On va parler aujourd'hui de la doute, l'incroyance et de la peur. Unbelief and doubt. Unglauben und L'incroyance et les doutes. Then doubt. Doubt. Zweifel. Et les doutes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Two ways you cannot start doubting what the truth. What Christ is saying to you. Es gibt zwei Wege, wie du das anzweifelst, was Christus zu dir gesagt hat. Il y a deux chemins où tu vas commencer, qui va te mener à douter ce que l'Éternel te dit. Amen. Doubt what Christ called the truth. Two ways. Amen. Das anzweifeln, was Christus Wahrheit nennt. De commencer à douter ce que l'Éternel appelle vérité. It's going to number one is can come to you by what you know before. Es kann doubting kommen. Christ's word, amen, can come to you through what you know before the truth. Es kann kommen durch deine alte Weisheit, durch dein altes Wissen vor der Wahrheit. Donc ça peut venir à travers ce que tu connaissais avant de connaître la vérité. Amen. Because you refuse to let the old go, it can make you doubt the truth. Weil du das Alte nicht loslässt, kann es dafür sorgen, dass du die Wahrheit anzweifelst. Mm-hmm. Parce que tu n'es pas capable à, ou bien tu n'arrives pas à lâcher l'ancien, que ton ancien système que tu connaissais avant, ça va commencer à combattre la vérité. Et le combat là, ça va commencer à produire des doutes. Amen. Since you know before, you now accept the truth. Because you let those things you know to go. Because you refuse to let them go. Those things you once know will make you doubt the truth. Das wird dafür sorgen, dass du die Wahrheit anzweifelst. Et donc, toutes ces choses-là que tu connaissais avant, ça va te mener, quand ça, si tu ne laisses pas partir, ça va te mener à douter la vérité. Amen. Amen. You know, if you have been used to, you know, speaking in tongues, pass away with the apostle, for example. Amen. Pass away with the apostle. And you are now in a living church where you speak in tongues. Amen. But you still have that speaking in tongues in your heart that it passed away with the apostle. You never allow it to die and bury that, and you never call it religion that is no longer yours. You still allow it to be there. It's going to break down. It's a matter of time. Yeah. Wenn du beispielsweise jemand warst, der aus einer religiösen Gemeinde gekommen ist, wo gesagt wurde, dass das in fremden Zungen zu beten eine vergangene Gabe ist, die mit den Aposteln sozusagen begraben worden ist, verschwunden ist. Und du hier jetzt einfach mal in der Wahrheit lebst und hörst, dass in fremden Zungen zu beten eine wichtige Gabe des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist allen Leuten geschenkt hat, die ihn annehmen, ne? Dann wirst du natürlich einen Kampf haben, das Alte, wenn du das Alte nicht loslassen kannst, das Neue zu akzeptieren. Donc par exemple, si tu es un exemple, si tu es un type de personne qui pensait que le parler en langue n'est plus quelque chose actuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, qui pensent que quand les disciples que c'était une chose que les disciples avait utilisé, que nous les enfants de Dieu on n'a plus besoin de parler en langue. Si tu es habitué à cette compréhension, quand maintenant tu viens vers le Christ et tu connais la vérité et on te dit que parler en langue c'est vraiment la vérité, que c'est aussi valable pour nous aujourd'hui, tu vas, si tu ne laisses pas l'ancien pensée partir, ça va commencer à combattre la vérité que tu connais et tu auras du mal à parler en langue. Amen. Amen. Number two, doubting Christ's truth is going to come from what you later know after hearing what Christ called the truth. Amen. The message you later hear, listen to. Amen. The book you read, they are going to speak to you. Amen. It's like, you know, once you hear the message, amen, you remember what happened here the other time best. Amen. You hear the message that Christ. It's only Christ's blessing we are after, and not after the blessing of the flesh. What man and religion call blessing. And a pastor preaches outside that your parents, your natural parents' blessing is even more important than Christ's blessing. Praise the Lord. Amen. You can see, amen, amen. Those things we are fighting in her. She has something here. And she has something there. You better beware of what you listen to. They will take you away from Christ and make you doubt the truth. Jesus Christ said, if you believe and doubt not, where is the doubt coming from? It's going to come from what you listen to, what you read, what you see with your five senses. Those things you go to, the message you listen to, they are so dangerous. Praise the Lord. Wir sollen glauben und nicht zweifeln durch das, was wir hören und sehen. Die zweite Art, wie Zweifel in unser Leben kommen kann, ist auch durch das, was wir nach der Wahrheit, nachdem wir die Wahrheit empfangen haben, hören und lesen, beispielsweise Bücher oder Predigten. Und wir haben auch ein aktuelles Beispiel von Best beispielsweise, als sie hierhin gekommen ist, hat sie gehört, dass der Segen des Herrn unsere Qualifikation ist, nämlich sein Kind zu sein, dass unser Name im Himmel im Buch des Lebens steht. Das ist unser Segen, ne? Und das kann uns niemand, niemand kann uns das geben. Nicht mal unsere Eltern können uns das schenken. Nur der Herr selber kann uns das, hat uns das geschenkt, und wir sind diejenigen, die das annehmen müssen im Glauben. Aber stattdessen hat sie sich Botschaften angehört von Menschen, die behaupten, dass der Segen der Eltern sogar über dem Segen von Jesus Christus steht. Und es ist klar, wenn du dann halt diese beiden Lehren hast, dass du in einem Konflikt stehst, wenn du dich vor einem nicht beugen kannst. Donc en fait, la deuxième façon de douter, de douter l'éternel ou de douter la vérité est par exemple quand tu connais maintenant la vérité ou bien quand tu écoutes la prédication ici et tu sors en dehors de l'église, tu entends aussi autre chose qui est contraire à ce que tu as écouté, ça va te, tu seras confus et ça va aussi... Et si tu le crois, ça va te confondre. Par exemple, on a un exemple actuel. Il y avait une fille, une dame qui était ici. Elle a écouté ici que c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui est valable. Que si l'Éternel te dit que tu es la sienne ou bien que tu es son enfant, c'est ça qui compte pour toi et pas la bénédiction de la chair. Et elle est partie dehors. Elle a entendu que parler... Quand elle a entendu que les gens disaient que si c'est ta mère qui te bénit, c'est ça la bénédiction. Ça a commencé, ces deux choses qu'elle a entendues, la vérité et les mensonges, ça a commencé à le combattre. Et du coup, tu vas commencer à voir les mensonges plus plausibles pour toi et tu vas commencer à croire aux mensonges et ça va, oui, tu vas partir. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, interpretation takes time. If not, we won't start that of Ghana and then Vietnam also. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So that we can be sending them to people. Amen. Mm-hmm. Ja, leider, praise the Lord. Braucht die Übersetzung so viel Zeit, weil sonst hätten wir sogar noch andere Sprachen mit einbezogen, wie Ghana oder Vietnamesisch. Mm-hmm. Donc les messages prennent vraiment beaucoup de temps, même l'interprétation. Sinon, on allait aussi... Amen. Praise the Lord. Amen. The message you hear, faith comes by it. Amen. Die Botschaft, die wir hören, the books you read, you get faith comes by it. If you keep on hearing lies, it will not sound like the truth in your ears. Hören, wird es irgendwann zu unserer Wahrheit. Donc les messages qu'on est en train d'écouter ici, d'entendre ici, c'est de la vérité. Et la foi vient à travers la vérité. Et si tu continues à écouter des mensonges, ça va, des jours et des jours, ça va te sembler de la vérité. Amen. Amen. You know, to find your five senses as a whole. They are going to speak. Sie werden zu dir sprechen. Tes cinq sens vont te parler. You are going to hear through your ears. You are going to see through your eyes. You are going to feel. Are you getting it? Amen. Donc tu vas écouter, tu vas voir, tes cinq sens vont te parler. So also are evil communication. So ist auch those der you Umgang. Discuss with, die Leute, discuss die the Bible with. Mit denen du über those die you respect their opinion. Die Person, dessen deren Meinung, deren Meinung und Ansicht du schätzt und wertschätzt. De même avec ce que tu entends dehors, ou bien tes amis, les gens que tu es en train de respecter, c'est que ça va t'influencer ce qu'ils sont en train de dire, leur opinion. Praise the Lord. Amen. Beware of them, please. Nimm dich bitte in Acht. Amen. Donc fais attention. Amen. Raus. Praise the Lord. Let it be Christ alone. Lass du das nur Christus. Now we want to start our message. Tu dois vouloir qu'il soit toujours de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jetzt geht es los and mit der please, I will only just make a little, just a little, because of what we have today. Amen. Und, we want to eat together. Amen. I celebrate Christ together. Amen. Amen. So it's very important also. Mm-hmm. Amen. It's all Christ also. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'll just go a little bit then. We'll continue on Wednesday as the Lord directs us. Amen. Amen. Wir wollen jetzt wir wollen jetzt dennoch noch die Zeit nutzen, um noch in das neue Thema einzugehen, was wir aber am Mittwoch weiterführen werden. Weil diese Botschaft wird sehr viel Zeit kosten. Oui, on va écouter. Right. Mm-hmm. Because you know, grace and love, they cover everything. Gnade on earth und in the kingdom of heaven. Gesetz, sie umfassen alles im Königreich des Himmels. Donc en fait, la grâce et la loi, ça, oui, c'est vraiment très vaste, et surtout dans le royaume des cieux, c'est, ça couvre beaucoup de choses. Message is grace and faith, and also grace and love. Die Botschaft ist Gnade und und Glaube und Gnade und Gesetz. Le message est la foi et la grâce et aussi la grâce et la loi. These two are different. Diese beiden sind unterschiedlich. Ces deux sont différents en fait. Amen. Amen. Grace and faith. Gnade und and Glauben. Then grace and law. Gnade und Gesetz. Are not the same. Ist nicht gleich. No, they are similar. Auch wenn sie ähnlich sind. Ah, la loi et la grâce. Et la grâce et la foi, c'est pas la même chose, même si c'est vraiment similaire. Amen. We are saved by grace and faith, and not by grace and law. Wir sind durch Gnade und Glauben gerettet, nicht durch Gnade und Gesetz. Nous sommes sauvés à travers la grâce par la foi, mais pas à travers la loi par la grâce par la loi. Amen. Amen. Ephesians 2 says we are saved by grace through faith. In Epheser steht, dass wir durch Gnade errettet sind. Ephesians 2 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. Amen. Faith is depending on Christ. Glaube heißt sich auf Christus zu verlassen. Mais la foi signifie dépendre de l'Éternel. Law is depending on yourself. Gesetz bedeutet, dass man sich auf sich selbst verlässt. Mais la foi signifie de dépendre de soi-même. Law means without Christ. Das Gesetz bedeutet ohne Christus. La loi signifie sans le Christ. Law means you are the doer. Du bist der Macher. La loi signifie que c'est toi la personne qui travaille. Amen. Praise the Lord. Amen. Both faith and law are you. Glauben und Gesetz bist du. La foi et la foi et la loi c'est toi. Amen. Amen. Both faith and law are you. Glauben und Gesetz bist du. Donc tous les deux c'est toi. Faith you cooperate with Christ. The law without your cooperation with Christ. Im Glauben kooperierst du mit Christus. Dans la foi tu coopères avec le Christ. Mais dans la loi, tu le fais seul. Im Gesetz tust du das nicht. Du tust alles auf eigene Faust. Amen. If you see example, just one example, the woman with issue of blood. Ein Beispiel. In Mark 5, verse 34. Jesus said, your faith, because this woman cooperated with Christ, there was cooperation. Are you getting it? That faith was not without Christ. That faith came from Christ. That faith came from the word of God. That faith is one of the fruit of the Spirit. Galatians 5:22-23. You get it? Auch in Markus 5:34, die Frau mit dem Blutungen. Jesus Christus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich heil gemacht. Der Glaube aus dem Wort, was du über mich gehört hast. Und dieser Glaube ist eine Frucht des Geistes. Donc même à Marc, la Bible nous dit que Jésus-Christ a dit à la foi, à la femme qui coulait le sang, il dit que c'est ta foi à travers c'est ta foi qui t'a sauvé, la foi que tu as eue à travers ce que tu as écouté, écouté parler de moi, entendu parler de moi. Et cette foi, ça vient de l'Esprit de Dieu. Praise the Lord. Amen. But faith and law are coming from you. Glaube und Gesetz kommen von dir. Donc la foi et la loi, ça vient de toi. Amen. Amen. Amen. Amen. Faith is you are depending on Christ. Amen. You cannot do it without Christ. That is faith. Glaube heißt, du verlässt dich auf Christus. Du kannst es ohne Christus nicht machen. Donc la foi signifie que tu te soumets à l'Éternel. Tu le fais. Tu fais confiance à l'Éternel. Sans l'Éternel, tu peux pas le faire. Law is you are depending on yourself. You don't need Christ to do it. Aber I hope somebody's getting it. Maybe we have to close. Du verlässt dich auf dich selbst und du brauchst Christus nicht, um es zu schaffen. Donc la loi, ça signifie que tu n'as pas besoin de prendre, de faire confiance à l'Éternel. Tu le fais seul. Praise the Lord. I'm happy this message will help people to, especially those in Nigeria, because there was a time we went to Nigeria. One of the family there said, I should please preach the message. Mm-hmm. And the Lord wants us to go into the message. Mm-hmm. Will we stop here, please? Und ich bin dankbar für diese Botschaft, denn auch Nigeria hat jemand, hat einer von der fleischigen Familie Interesse gezeigt an dieser Botschaft, weil diese Botschaft sehr, sehr wichtig ist und wir auf jeden Fall darauf eingehen müssen. Donc ce message est vraiment important et ça va aider beaucoup de gens. Praise the Lord. Amen. There's no how we can even finish it today. Because there are very many. Because the message, grace and love, the Lord wants us to go so deep into it. Ja, dass wir es wirklich verstehen. So that we can understand it. Amen. And know when we are out of him. Und wissen, wann wir aus Christus sind. Law is you out of Christ. Gnade, faith, Gesetz you are, heißt uns raus aus Christus. Aber Glaube heißt, du bist in Christus und er ist, bist du. Mm. Donc, la foi, c'est quand tu es en Christ. Mais la loi, c'est quand toi, tu es sorti du Christ, tu n'es pas en Christ. Là, il s'agit de toi. Pendant que dans la foi, tu dépends que de lui. Mm. Amen. Mm.